Mais restez le même dans le fond, dans la forme, dans le fond, dans la forme, dans le son, le confort, dans le vrai, le concret. Celui que t'aimes ou détestes, si t'approches de trop près, celui qui rappe et chante à tête, moi c'est trop vrai. Pour moi, ma conscience, depuis peu la confiance, la force et la foi, la peur et la joie. Si le rap est un choix, le chant est ma voix, c'est un peu grâce à toi. Bienvenue, Père Kai, parmi les champs bien et les cailles, parmi les macos, la flicaille, je les tiens chez les miens où la ressemblance n'est plus qu'un détail. Mon quartier, je t'aime moi non plus. Entre nous, ce fut fort, mais cet amour, je n'en veux plus. Je suis toujours le même, mais qu'est-ce qu'a bien pu changer en deux. Je suis toujours le même, au moins je me suis pas changé en Dieu. Je suis toujours le même panache, la même galache. Toujours le même, toujours rester le même. Je suis toujours le même, mais qu'est-ce qu'a bien pu changer en deux. Je suis toujours le même, au moins je me suis pas changé en Dieu. Je suis toujours le même panache, la même galache. Toujours le même, toujours rester le même. J'arrive sur le nez des lunettes, quartier 4 saisons. Je suis un sale démon à la Charles Frémont. J'aime le rap très sombre. J'sors de la pénombre avec mon armée de l'ombre. On a un sacré don, on pénètre dans ta maison. Je roule avec des vampires pleins d'amertume. J'suis toujours resté le même sous la pleine lune ou sous le soleil. Le soleil, j'ai pas de trouble de l'oreille. Moi je bouge pour de l'oseille, voilà. Cherche pas à baiser le best ou à tester le chef. Al Capote est toujours resté le même. J'écris toujours mes textes avec de l'ironie. Je suis un shinobi, je découpe sur le projet Jimoni. Les rappeurs pissent au lit, ça rêve et parle de braquage dans la rue de Rivoli. J'aurai jamais la carrière de Phil Collins. Je resterai le même, surveillé par des flics hostiles. Je suis toujours le même, mais qu'est-ce qu'a bien pu changer en Dieu. Je suis toujours le même, au moins je me suis pas changé en Dieu. Je suis toujours le même panache, la même galache. Toujours le même, toujours rester le même. Je suis toujours le même, mais qu'est-ce qu'a bien pu changer en Dieu. Je suis toujours le même, au moins je me suis pas changé en Dieu. Je suis toujours le même panache, la même galache. Toujours le même, toujours rester le même. Je suis le même qu'au départ, qui me tape des barres, mais des frappes et des barres, qui fait bien qu'on y batte. Si je mets pas dans les barres, fais comprendre sans les barres. Qu'est-ce que t'entends des barres, qu'est-ce que t'entends des barres. J'avais dit, je les connais pas, la défaite connaît pas. J'y croyais quand tu répondais pas, j'y croirais quand j'inonderais. Rip, crie mon nom ne rit pas. Bon, le son ne nique pas, pris d'un vent ne nique pas. Les langues de pute des balles. Si ton son ne nique pas, tais-toi, la ramène pas. Ferme ta gueule, fais pas. J'ai toujours le même, y'a pas de phénomène, on a tout fait nous-mêmes. Ça c'est le son des papayés, m'amène. C'est le fin qu'on ramène, tu croyais qu'on ramène, mais en fait on te ramène. Quoi, je suis toujours le même, mais qu'est-ce qu'a bien pu changer en Dieu. Je suis toujours le même, au moins je me suis pas changé en Dieu. Je suis toujours le même panache, la même galache. Toujours le même, toujours rester le même. Je suis toujours le même, mais qu'est-ce qu'a bien pu changer en Dieu. Je suis toujours le même, au moins je me suis pas changé en Dieu. Je suis toujours le même panache, la même galache. Toujours le même, toujours rester le même.